Ce soir-là, Conrad fit dire au bon Frankel qu'il ne descendrait pas, qu'il était indisposé et qu'il priait qu'on ne le dérangeât pas. L'hôtelier eut un sourire. Ces Parisiens, ça n'avait pas la tête solide. Conrad n'était pas ivre. Très froid, au contraire. Le visage pâli, il lisait et relisait l'étrange lettre de l'oncle Jean-Martin. Et d'abord était-elle d'un fou. Conrad étudiait chaque ligne, pesait chaque mot, épelait les lettres qui avaient l'alignement correct de soldats en bataille. Pas une défaillance de plume, pas une fantaisie de traits. En dépit de défiances instinctives, Conrad sentait injuste et niait d'accuser de folie celui qui était si bien maître de sa main et par conséquent de sa pensée. Certes, il y avait bien là quelques exagérations de forme. Pour tout exprimer par un mot essentiellement parisien, il était des moments où l'écrivain s'emballait. Mais pas plus dans le dessin des lettres que dans le fond des idées, on ne pouvait méconnaître une rectitude indémentie. Conrad avait l'esprit essentiellement logique. C'était sa prime, sinon son unique qualité. Cette logique n'était pas, comme chez beaucoup de gens, arrêtée en certains coins par des préjugés. Il admettait la possibilité de tout, même de la réalité du secret des Hippelius. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi des générations d'hommes, s'acharnant à la découverte d'un problème, se transmettant de l'un à l'autre les solutions approximatives auxquelles ils arriveraient successivement, ne parviendraient-elles pas à leur but? Ils avaient eu le bon esprit de ne pas répandre leur invention dans le public. Ils avaient ainsi évité ces dissertations décourageantes qui ont empêché tant de progrès. Ils étaient allés tout droit devant eux, comme le soldat qui marche au feu et qui, une fois lancé, ne se laisse arrêter par aucun obstacle, renversant ou escaladant tout ce qui s'oppose à leur passage. Certes, si en ces folies d'héroïsme quelques personnages sages et prudents leur pouvaient adresser des conseils, nul doute qu'ils ne s'arrêtassent en chemin. Les Hippelius avaient obéi à la science qui leur criait d'aller en avant. Pourquoi eux aussi n'auraient-ils pas enlevé la redoute désignée à leur vaillance? Et voici que Conrad, peu à peu, se sentait gagné par une admiration chaude pour ces lutteurs dont, paraît-il, deux déjà avaient payé de leur vie l'effort presque victorieux. Le troisième, pour continuer la comparaison, pariait à ses soldats qu'ils ont fait une échelle de cadavres de ceux qui sont tombés, c'était lui aussi lancé à l'assaut. Il avait atteint le rempart, et le premier, il avait sauté dans la place. Pourquoi dénier, sans examen, à l'oncle Jean-Martin, son titre de héros? Mais quel était le but poursuivi? Ici, tout s'obscurcissait. S'agissait-il d'une de ces grandes découvertes qui peuvent, par quelques nouvelles combinaisons économiques, changer la face des sociétés? D'un progrès de théorie mécanique qui diminuerait la somme de travail afférente à tout homme vivant? De quelques systèmes adéquats à la découverte de la pile de Volta ou du galvanisme? Le doute n'était pas possible. L'oncle Hippelius l'avait écrit en toutes lettres. Son secret était un secret de mort, de destruction soudaine, irrésistible, universelle. Quelque engin militaire peut-être. Et Conrad, qui était patriote, pensait aux incalculables conséquences d'une telle découverte pour la grandeur du pays. Mais s'il en eût été ainsi, pourquoi Hippelius affirmait-il qu'il eût commis un crime en révélant son secret? L'homme qui eût donné à son pays le monopole de la poudre n'eût-il pas contribué à son relèvement et à sa grandeur? Est-ce que, d'aventure, il ne s'agirait là que d'une nouvelle tentative de transmutation des métaux? La chose en vaudrait bien la peine, vraiment? Conrad haussait les épaules. La fortune qui lui échelait aujourd'hui lui apparaissait comme plus que suffisante pour la satisfaction de tous ses désirs. Oui, en vérité, il y avait apparence qu'il ne s'agit que de cela. Puissance énorme, domination sur la terre, sur les mondes, c'étaient là des phrases romantiques que Conrad, très liseur, avait trouvées dans des livres. Les tirades sur la puissance de l'or lui étaient familières et, pour un peu, il en eut récité, glané dans les romans. Et pourtant, étudiant avec une attention minutieuse le manuscrit de l'oncle, Conrad remarquait que les phrases, qui pouvaient sembler déclamatoires, visaient des faits physiques, matériels et non des catastrophes purement morales. Qu'était-ce que ces abîmes où s'engloutiraient les cités? Que cet effondrement des montagnes, ce bouleversement cosmique? Où Hippelius eût été, sans rémission, définitivement le pire des fous, où il n'eût pas attribué de si effroyables résultats à la découverte de la pierre philosophale. Et ses grandes colères, pendant lesquelles il menaçait les hommes de brûler la terre, impossible de trouver là une simple métaphore, qui, dans l'hypothèse de la fabrication artificielle de l'or, eût été parfaitement ridicule. Mais alors de quoi s'agissait-il donc ? Conrad entendait tinter à son oreille ce mot de puissance qui revenait à chaque ligne du manuscrit. Être puissant, être le maître de tout, être Dieu. En Conrad, il y avait le brave et honnête homme qui depuis si longtemps travaillait jour et nuit pour gagner sa vie, mais aussi la race des Hippélius, revivait en certains coins ignorés de sa conscience. Son père n'avait-il pas lui aussi été un chercheur qui était mort à la peine ? Et ce souvenir, subitement évoqué, mit en l'âme de Conrad à la fois un remords et une fièvre. Ainsi, quand tous avant lui avaient eu la passion de la recherche ardente, lui seul allait placidement dans la vie, indifférent à tout ce qui n'était pas son intérêt propre et immédiat. Voici que l'engrenage familial le ressaisissait, et il estimait que c'eût été déserté que de se soustraire à sa morsure. Et la fièvre le prenait, fièvre faite de rébellion contre la vie placide, de colère contre ce testateur qui semblait douter de son courage, de fou désir de connaître le mot de cette énigme, subitement posée dans sa vie. Au détour d'un carrefour, il se trouvait en face du sphinx. Il entendait bien que la bête monstrueuse lui criait « Devine ou je te dévore !» La raison, déjà presque aphone, comme le notaire, murmurait bien encore de suprêmes conseils de prudence. Il lui fallut, en quelque sorte, se pencher sur sa conscience pour les entendre. Conrad se redressait, au contraire, hanté par une obsession qui déjà ne lui laissait plus le libre exercice de ses facultés, possédé par le vieux démon qui avait tué ses oncles, entendant à ses oreilles un tintement comme une cloche d'appel. Au secret, c'était là qu'il lui fallait courir, sans perdre une minute. Là-bas, le vieux Hippélius l'attendait, déjà ricanant de sa lâcheté. Des heures s'étaient passées. Conrad était dans la nuit profonde. Il regarda sa montre, il était 10 heures. Il prêtait l'oreille. Ce soir-là, sans doute en l'absence de clients de hasard, la maison s'était de bonne heure engourdie dans le sommeil. Dormir. Est-ce que véritablement il pourrait dormir ? Non. Le manuscrit avait une voix maintenant. Chacun des mots écrits sur le papier tintait à ses oreilles comme prononcés par le mort. En vain, Conrad eût tenté de ne pas entendre. Cela se parlait au-dedans de lui avec de perpétuelles répétitions de phrases « Si tu savais ». Pourquoi pas ? À quoi bon se mentir à soi-même ? Ce secret qui était à lui, Conrad voulait le connaître. En cet homme, qui n'avait jamais rien désiré ardemment, le désir prenait tout à coup des proportions énormes. Mieux une main s'est équilibrée, et plus facilement le doigt d'un enfant la peut faire osciller. Toute sa statique morale était troublée. Soudain, il se décida. La nuit lui parut insupportablement longue. Demain. Est-ce qu'il avait le courage d'attendre à demain ? Pourquoi pas à l'instant même ? Après tout, Blanquince n'était pas si loin. Il fallait au plus une demi-heure pour s'y rendre. La maison, il la reconnaîtrait bien dans la nuit. D'ailleurs, quoique sans lune, la nuit était claire. Encore il se disait qu'il n'avait pas de temps à perdre. On l'attendait là-bas à Paris. Mieux valait, au prix d'un effort immédiat, sortir de cette incertitude qui était un supplice. Parbleu, il ne trouverait rien. Le lendemain, il repartirait. L'esprit dégagé de tout souci, joyeux de la fortune acquise, et avec Mickey et le père Peters, il établirait ses plans d'avenir. En toute sincérité, est-ce que cela était possible, tant qu'il ne saurait pas la vérité sur le secret des Hippélius ? Donc, cette nuit même, à l'instant, il irait à Blanquince. La maison était à lui, il avait le droit d'y pénétrer à toute heure. Maintenant, il ne s'agissait plus que de sortir d'ici. Bien entendu, il ne pouvait être question de réveiller une servante et de se faire ouvrir la porte. Pour le coup, quel scandale ! Il passerait pour fou, lui aussi, tous fous, les Hippélius. Doucement, Conrad ouvrit la fenêtre de sa chambre. Le hasard le servait à souhait. Située au premier étage, sa chambre donnait sur le pignon extérieur à l'entrée d'une ruelle qui dévalait vers la campagne. Ainsi, sans doute, il ne serait pas obligé de traverser la ville. Quant à atteindre le sol, ce n'était pas pour un garçon découpé comme lui que la chose pouvait présenter la moindre difficulté. Encore une chance, pas de fenêtre au-dessous de lui, mais la corniche d'un mur qui lui offrait comme un marchepied naturel. Comme il serait de retour dans 2 ou 3 heures au plus, il rentrerait par le même chemin et nul ne s'apercevrait de son escapade. Tout cela était admirablement raisonné. Homme de précaution, Zip mit dans sa poche une bougie et des allumettes. Il prit aussi la boîte, les enveloppes replacées avec la lettre dans le large pli qui les avait contenues, et résolument, cédant habilement de la barre de la fenêtre, il se laissa glisser dehors. Il toucha le sol de la route sans avarie. Il s'arrêta un moment, écoutant. Nul ne s'était aperçu de son évasion, tout allait bien. Il alla au bout de la ruelle et s'orienta. Décidément, tout le servait à souhait. Voilà qu'à une 50aine de mètres, l'Isère coulait, filant droit à l'est, dans la direction de Blanquins. Le temps était superbe, un peu frais, à point pour une marche forcée. En 2 bonds, Conrad, descendant la côte douce, se trouva sur le bord de la rivière. Silence et immobilité partout. Pas de rencontre à craindre, pas d'indiscrétion à redouter. Le jeune homme se mit à marcher résolument ou pas accéléré. Un étroit chemin bordait la berge, tapissé d'herbes moelleuses comme une mousse. Conrad vit au-dessus de lui les ruines du vieux château de Boelzel. Puis ce fut la campagne plate, bordée au loin d'une frange blanche. Et soudain, Conrad se souvint. Il avait dû passer par là, étant tout petit. Dans la pénombre vague de la soirée sur laquelle planait la lueur effacée des reflets d'étoiles, c'était comme des silhouettes déjà vues, les traits de figures inoubliées. Il allait plus lentement, envahi par une nonchalance qui n'était pas sans charme. En vérité, il ferait bon vivre ici, en artiste campagnard, allant de ci de là aux caprices des fantaisies du jour, interrogeant la physionomie jamais pareille de cette nature qui lui semblait avoir pour lui des caresses familiales. Il avait été bien inspiré de se permettre cette petite fugue. Une horloge lointaine sonna 11 heures. Conrad tressaillit, surpris. Que faisait-il donc là, sur cette route à pareille heure? Le secret des Hippelius, cela était-il donc après tout si important? Quel mystère hermétique valait la placidité un peu énervante de cette nature calme, de ce ciel si profond, de ces milliers d'étoiles, feux follets de l'immensité? La puissance, la richesse. Bien petite chose, en face de ces grandeurs. Un instant, il songea sérieusement à revenir sur ses pas, s'estimant presque ridicule d'attacher tant d'importance aux rêveries creuses d'un vieux fou. Cependant, il marchait toujours. Soudain, à quelque distance devant lui, quelque chose de noir se dressa à mi-côte d'un renflement de terrain de l'autre côté de la rivière, et il reconnut cela. De là-haut, on le lui avait montré. C'était la maison des Hippelius, la sienne, morne, silencieuse, sombre comme un foyer éteint. Les reflets de nuit, se jouant sur la façade, silencieuse, y mettaient comme les traits d'un visage. En haut, on eût dit 2 yeux ternes qui, de leurs prunelles vides, regardaient celui qui venait. Et en bas, une porte ronde semblait une bouche prête à appeler. Au-dessus, les cimes des arbres formaient comme une crinière. Il y a de ses yeux nocturnes, et de ses yeux Conrad ne pouvait plus détacher les siens. Cette bouche l'attirait par une sorte d'aspiration. La possession recommençait, cette fois plus puissante parce qu'elle agissait de plus près. Et par un petit pont de pierre, Conrad marcha droit vers la maison. Rapidement, il atteignit la porte, solide, striée de côtes de fer. Tout à coup, il eut un cri de colère désappointé. La clé, il n'avait pas la clé. Évidemment, elle se trouvait aux mains du notaire, et il n'avait pas plus songé à la demander que celui-ci à la lui offrir. Il avait fait ce chemin, il avait subi toutes ses émotions pour ensuite venir, misérablement, se casser le nez contre une porte fermée. Quelle absurdité! Est-ce que, véritablement, il lui faudrait s'en retourner stupidement? En mâchonnant son désappointement ridicule, il ne lui manquerait plus maintenant que d'être vu au retour, tous fous, les Hippelius. Il se sentait pris contre lui-même, contre les hommes, contre la nature qui lui semblait le narguer, d'une rage froide. Il se mit à tourner autour de la maison, rêvant d'effraction. Mais la bâtisse était bien close. Il continua à rôder. Derrière le bâtiment qui se dressait sur le devant comme une sentinelle, le parc s'étendait. Et soudain, Conrad avisa une brèche, écornant le mur à peu près à hauteur d'homme. Il n'hésita pas, prit son élan, d'un bond atteignit la crête et sauta à l'intérieur du parc. Il y eut dans le taillis un effarement de bestioles. Il se dégagea de l'enchevêtrement des herbes et des arbustes et se trouva dans une étroite allée en les ténèbres d'une feuillée formant voûte au-dessus de sa tête. Ses yeux, cependant, s'étant déjà habitués à l'obscurité, il reconnut bien vite devant lui la masse noirâtre de la maison. De ce côté, l'obstacle serait-il insurmontable? Une tourelle était au coin, enveloppant évidemment un escalier. Au pied, une petite porte d'aspect beaucoup moins rébarbatif. Conrad la poussa d'abord du plat de la main. Elle était fermée, naturellement, mais celle-là du moins n'était pas bardée de fer. Pourtant, tel est le respect qu'inspire une porte fermée, comme une enveloppe close, que Conrad hésita avant d'y appliquer son épaule. Même, il regarda autour de lui comme s'il eût craint que quelqu'un pût le surprendre. « Je suis chez moi, » dit-il à voix haute, répondant inconsciemment à un reproche latent de la nuit. Et avec le courage des poltrons, il se lança de nouveau de toute sa force contre le panneau. Il y eut un craquement. Alors, sans plus hésiter, le robuste jeune homme s'arc-bouta et pressa de toute la vigueur de ses reins. La serrure se détacha de sa gaine de plâtre et la porte s'ouvrit sur un fond noir comme un trou béant. Mais Conrad n'était pas un petit maître sujet aux terreurs enfantines. Il entra. Une odeur fade le prit à la gorge. Il y avait longtemps que l'air n'avait circulé là. Il repoussa le panneau, prit dans sa poche la bougie qu'il avait apportée. La flamme d'une allumette jaillit et il fit clair. C'était bien un escalier en colimaçon et s'engageant dans la colonne de l'étroite tourelle. Conrad gravit lentement les marches, regardant le mur de pierre, guettant une porte intérieure. La recherche ne fut pas longue. Dès la 15e marche, il avisa sur sa droite une vaste salle, complètement vide d'ailleurs, avec de larges fenêtres, d'où, s'étant approché, il vit la bande moirée de la rivière. Au plafond, de lourdes solives, fortes à supporter une tour, il était évident que jamais l'oncle Zipelius n'avait habité là. Au coin, un escalier en spirale. Brandissant sa bougie dont, entre parenthèses, la cire lui brûlait les doigts, Zip s'y engagea. Il arriva à un large palier, encombré d'objets de forme bizarre, matras à tubulures multiples, cylindres de fonte dans lesquels une déchirure s'ouvrait comme une gueule édentée, des barres de fer tordues, comme si un géant eût voulu s'en faire un nœud de cravate. À la lueur trouble de la bougie, zigzagant sous le courant d'air frais qui venait d'en bas, ces choses semblaient animées, grouillantes. Pourtant, Conrad n'était pas homme à s'effrayer de vieilles ferrailles. Trésor où bien souvent son beau-père avait découvert de véritables occasions. N'eût été l'influence presque insurmontable de la solitude et du silence, il se fût senti parfaitement à l'aise. Sa curiosité prenait un caractère moins aigu, dirigé maintenant vers un but précis qu'il était certain d'atteindre. Voici la porte de fer étroite, bien encastrée dans son cadre. Pas de serrure. Cela valait mieux, car c'était la preuve qu'elle s'ouvrait au moyen d'un ressort. Conrad n'eut pas de peine à le découvrir, ces sortes de devinettes étant soumises, comme la cryptographie, à des règles immuables. Il poussa un bouton, engagé comme il convient dans le 7e croisillon des fers qui enveloppait les gonds sur lesquels docilement la porte tourna. Elle était arrivée au but. En somme, rien de fantastique. Une maison vide sur laquelle avait passé ce souffle d'abandon qui glace et immobilise à la fois. Était-ce dans cette grande pièce, aux parois nues, que l'oncle avait passé sa vie de chercheur, indifférent au bruit du monde? Pas de meubles, pas de lit, aucun des ustensiles nécessaires à l'existence. Ce n'était évidemment qu'un laboratoire. Au milieu, une cuve d'une matière métallique ressemblant à la fonte assez profonde et autour d'elle, à distance égale, quatre cuves de plus petite dimension. Dans un angle, un fourneau dont le tuyau se perdait dans le plafond. Point de planche surchargée de bocaux ni de flacons, point de ces odeurs nitreuses qui subsistent dans le laboratoire le mieux aéré, et pourtant Zip ne découvrait aucune ouverture par laquelle l'air pût circuler. Il constatait d'ailleurs ces détails sans plus s'en étonner. Vraiment, il éprouvait comme une désillusion. Si sceptique que l'on soit, l'imagination garde malgré elle une inquiétude vague à ces évocations de sorcellerie. Les déclamations de l'oncle Zipelius tendaient du reste à grossir singulièrement les choses et à leur donner de loin un aspect fantastique. Zip se sentait dépité, comme s'il eût acquis maintenant la preuve d'une mystification. 5 chaudrons, dont un Auvergnat de la rue de la Lappe, n'eût pas offert 10 francs. En vérité, c'était avec cet appareil que l'oncle Zipelius prétendait bouleverser l'univers. Décidément, il avait cru son neveu plus sot qu'il ne l'était. Si sous l'empire de préoccupations fiévreuses il avait pu douter de la folie du suicidé, maintenant Zip en avait sous les yeux la preuve indéniable. Il regarda sa montre Il était 1 heure. À quoi bon s'attarder? Il n'existait pas, ceci était évident, de secret des Hippélus, et si des hommes s'étaient tués, c'était pour avoir constaté l'inanité de leur chimère. Donc, le mieux était de prendre son parti d'une déconvenue, en somme peu grave, et de s'en retourner au plus vite pour tout au moins, en réintégrant sa chambre sans être vu, éviter les railleries trop méritées. « Voyons, se dit Zip, pris d'un dernier scrupule, c'est bien ici que m'envoyait l'oncle. » Il tira l'enveloppe de sa poche et aussi la petite boîte qu'il plaça sur le fourneau. Il déplia la lettre déjà lue. Oui, oui, une pièce fermée par une porte de fer. Il y était. Oh, quelle bonne plaisanterie! Allumer du feu pendant 2 jours et 2 nuits, et alors seulement briser le scellé du coffret. Rester là 2 jours et 2 nuits, sans manger, n'est-il pas vrai? Tous fous, les Hippélus! Et certes, celui-ci n'était pas un des cerveaux les moins fêlés. Conrad haussa les épaules. Et avec une désinvolture insolente pour le vieux chimiste mort, il tira son canif de sa poche et délibérément coupa les rubans de toile qui retenaient le couvercle de la boîte. Puis, riant tout seul à la pensée de la bonne plaisanterie par laquelle il allait répondre à la raillerie posthume de Jean Martin, il frappa sur la boîte ainsi que font les priseurs avant de plonger les doigts dans le tabac et la présentant avec un geste poli à un être invisible. « À ta santé, mon oncle !» Et il ouvrit le coffret. Et soudain, à travers la large pièce, du plafond au plancher, une lueur s'épandit, terne, sinistre. Comme si dans l'air, d'infinitésimales particules se fussent enflammées, enveloppant Conrad d'une buée pâle. Et avec un hoquet qui ressemblait à un râle, Conrad Hippélus s'abattit sur le sol, suffoqué, inerte. Quand Zip revint à lui, il faisait grand jour. Il éprouvait une insupportable sécheresse de bouche et lui semblait que sa peau fût de parchemin. Encore somnolent, il se hâta lentement et d'ailleurs ne ressentit aucune douleur, sauf peut-être une légère courbature, attribuable évidemment à la raideur de sa chute. Le jour. D'où venait la lumière? Il vit alors que le plafond qui s'étendait au-dessus de lui était formé d'une épaisse plaque de verre sur laquelle tombaient à plomb les rayons du soleil. Quelle heure était-il donc? Combien de temps était-il resté évanoui? Sa montre était arrêtée. Sans doute c'était le matin suivant la nuit pendant laquelle il avait pénétré dans la maison du vieux Hippélus. Il avait quelque peine à reconstituer ses souvenirs. Mais, se relevant sur son coude, il aperçut à quelques pas de lui la boîte refermée et auprès, à terre, quelque chose qui ressemblait à un billet. Longtemps il resta immobile, regardant cela, sans avancer la main pour le saisir, pris d'une terreur profonde qui le paralysait. Prononçant mentalement le nom de l'oncle Hippélus, il frissonna. Et soudain, il ne douta plus que cet homme n'eût été en possession d'une puissance surhumaine. En même temps, un remords l'envahissait d'avoir renoncé stupidement à ce qu'il ne définissait pas, mais qui maintenant lui apparaissait formidable. Était-il donc trop tard pour le reconquérir? Mais fallait-il, d'autre part, à chaque mouvement, au moindre geste, courir ainsi risque de la vie? S'interrogeant, Conrad comprit que sa peur se dissipait, et au lieu d'elle, naissait en lui une inéluctable volonté de savoir, de soulever le voile tout entier. Ainsi, dans les antiques mystères, le néophyte qui avait franchi le premier stade de l'épreuve, alors qu'il avait subi les affres de la mort, n'en était que plus ardent à aller en avant. En son cerveau, cette volonté absorbait tout autre sentiment. Il ne retrouvait dans sa mémoire rien de ce qui était antérieur au moment de sa chute. On ne dit que là seulement sa vie eût commencé. Il se redressa lentement et regarda autour de lui. Rien n'était changé, sinon que la lumière radiait sur les cuves qui maintenant semblaient brillantes comme de l'acier. À terre, la tache blanche du billet. D'où donc venu? Conrad y tenait son regard rivé, se demandant si au moment où il le toucherait, quelque nouvelle et soudaine commotion ne le tuerait pas. N'importe. L'engrenage l'avait saisi. Aucune force humaine ne pouvait le soustraire à sa morsure attirante. Posément, avec des déploiements d'automate, Zip se baissa et posa ses doigts sur le billet, fait d'une substance soyeuse et dure à la fois. « De l'amiante, » se dit Conrad, et cette constatation le rassura, il rentrait dans le domaine des choses connues. Il déplia le billet et lut ses lignes qui étaient tracées. « Comme je suis certain que par impatience ou par dédain, tu ne te conformeras pas strictement à mes instructions, je prends un moyen héroïque pour t'y ramener. » Je t'ai dit de n'ouvrir le coffret qu'après avoir allumé un feu violent pendant 2 jours et 2 nuits, feu que tu trouveras tout préparé en soulevant la cloche de fonte qui ferme le fourneau. tu auras haussé les épaules, et te croyant déjà plus savant que ce vieux fou d'oncle Zipellus, tu auras brisé les scellés. Il faudra donc, à cet instant, pour te soustraire à une catastrophe décisive, il soit procédé automatiquement à ce dessèchement de l'air auquel tu auras attaché si peu d'importance. Au moment donc où le couvercle sera soulevé, un ressort projettera hors de la boîte une dose infinitésimale de la matière qui constitue le secret des Zipellus et que, sans craindre d'être trop indiscret, tes connaissances en linguistique devant être des plus rudimentaires, j'appellerai dès maintenant Apaba. Ce millième de millième d'Apaba suffira pour détruire les germes d'humidité existants dans l'atmosphère de la chambre de fer, sans cependant te tuer, à moins d'un de ces hasards que nul ne peut prévoir. En tout cas, tu seras évanoui, non sans avoir constaté autour de toi un phénomène lumineux sur lequel je n'ai plus besoin d'appeler ton attention. As-tu peur de persévérer ? Va-t'en, quoique le plus grand danger soit maintenant écarté. Autrement, ne diffère plus d'ouvrir le second billet contenu dans l'enveloppe et de procéder exactement comme il y est dit. Ce qui s'y trouve écrit est divisé en deux parties. J'ai toujours eu l'esprit méthodique. On ne peut autrement faire de la vraie science. Lis la première partie, fais l'expérience qui te sera indiquée, après quoi, achève la lecture à tête reposée si tu peux, et tu seras ensuite à portée de prendre une résolution définitive. Pour que tu ne te troubles pas le cerveau à supposer le surnaturel, je te dis que ce billet, écrit sur du papier d'amiante et pour cause, a été projeté de la boîte par le même ressort qui a failli jaillir la paba. Encore un mot. Tu as appris à tes dépens qu'en fait d'expérience, tout manque de méthode peut amener d'irréparables accidents. Suis donc mes instructions à la lettre et sans t'écarter d'un iota. Bonne réussite, mon neveu. J.M.Z. Conrad était redevenu absolument maître de lui. Il se redressa et élargit sa poitrine, gagné par le calme qui s'exhalait de ce billet. Ici, plus de phrases redondantes. Le savant, expert en les choses de conscience, avait prévu les défaillances morales de son neveu et en avait pallié les désastreux effets autant du moins qu'il le pouvait. Il se faisait conseiller, sans récrimination ni acrimonie, un homme qui lui aussi avait subi les impatiences folles et les témérités déraisonnables. Zip avait confiance en ce mort dont la prudence veillait encore sur lui, au-delà du tombeau. Il n'avait plus qu'à lui obéir et cette fois, il ne se permettrait plus aucune discussion. Et la paba lui appartiendrait. Ce mot « apaba » sonnait à ses oreilles avec des échos étranges. Il le prononçait à pleine voix, élargissant le son, instinctivement, d'accent circonflexe. Avec une sorte de respect, il ouvrit l'enveloppe sur laquelle était inscrit le numéro 1 et qu'il remarqua être de la même substance que le billet échappé du coffret. La lettre qui s'y trouvait était divisée en paragraphes séparés par de larges blancs. Conrad obligea son œil à ne pas dépasser la première limite indiquée et lut. À grand A. Tu as devant toi 5 bassins fondus par moi-même et à l'épreuve du feu. Ils sont vides. Un grand, d'une capacité de 50 litres, occupe le milieu. Les 4 autres contiennent chacun 20 litres. Tu rempliras d'abord un des petits. Voici comment. Auprès du fourneau, à droite, il y a une clé fixe communiquant un écrou. Tourne-la avec lenteur de gauche à droite. Compte 12 tours. Ceci fait, prends un des petits bassins, ils sont faciles à soulever, place-le au-dessous de la clé. Tire alors cette clé à toi et tu verras s'allonger un tuyau que tu viendras placer au-dessus du bassin. Encore 2 tours de clé et l'orifice du tuyau sera dégagé. De là, coulera lentement un liquide dont tu rempliras le bassin jusqu'à la ligne qui est marquée à la lime sur la paroi intérieure. Replace alors vivement la clé et donne 3 tours en sens inverse. Repousse le tuyau qui reprendra sa place. Visse définitivement la clé. Fais cela, attends avant de lire plus avant. Ponctuellement, Zip obéit à ses prescriptions si clairement formulées. Le bassin pesait une 20aine de livres. La clé joua comme il était dit, le tuyau parut et le liquide coula, incolore comme de l'eau. Zip arrêta le jet à la lignée indiquée, revissa la clé. Jusqu'ici, il n'avait pas dévié d'une ligne du chemin qui lui était tracé. Il revint à la lettre et lut le deuxième paragraphe. Grand B. Replace le bassin au point qu'il occupait primitivement. Maintenant, tu touches au moment décisif. Sois tranquille, ce que tu verras te frappera d'étonnement. Mais pas encore dans le sens que tu supposes. prend la boîte, dont le couvercle se referme automatiquement par l'action d'un ressort. Entre-ouvre-le, introduit à l'intérieur deux doigts, le pouce et l'index, non sans les avoir préalablement frottés vigoureusement contre tes cheveux. Tu sentiras une petite boule. Prends-la sans la serrer et tire-la de la boîte. Repose la boîte sur le fourneau, puis, revenant vers le bassin, projette la boule dans le liquide et attends. Bah ! Tout cela était en vérité d'une simplicité enfantine et pourtant Zip était horriblement pâle. Son cœur battait si fort qu'avant d'ouvrir la boîte, il fit quelques tours dans la pièce, ouvrait tout son calme. Il n'était pas à craindre qu'il commît l'imprudence. Il avait placé la lettre sous ses yeux pour n'en pas laisser échapper un mot. Ses doigts se glissèrent dans l'entrebâillement de la boîte et saisirent délicatement la petite boule. Il la tenait. Elle était ovale, faite d'une matière transparente, pareille à de la gomme arabique. Au milieu, il semblait qu'il eût un point rougeâtre, comme le nucléus d'un œuf. Zip se pencha et laissa tomber la boule dans le liquide. Instinctivement, il se rejeta en arrière. Quelques secondes se passèrent, puis, brusquement, sans la moindre détonation, le liquide s'enflamma sur toute sa surface, d'une flamme jaunâtre, qui sous la lumière du jour paraissait terne et sans couleur. Elle était haute à peine de 10 centimètres, sans oscillation, ce qu'il fallait évidemment attribuer au calme de l'air dans cette pièce hermétiquement fermée. Conrad s'était reculé jusqu'au mur regardant cette flamme dont l'immobilité lui donnait une étrange sensation de malaise. Aucun danger ne paraissait immédiat, mais Zip se disait que ce ne pouvait pas n'être que cela, et il avait peur de ce qui n'arrivait pas. Cependant la flamme brûlait toujours, et Conrad remarqua que le liquide diminuait avec une incroyable rapidité. 2 minutes ne s'étaient pas écoulées, qu'il n'en restait plus trace au fond du bassin. L'extinction avait été brusque, immédiate, silencieuse aussi comme avait été l'allumage. C'était tout. Conrad eut une exclamation désappointée. Le mot de mystification lui revint aux lèvres. Le secret des Hippelius, on le connaissait depuis longtemps. C'était celui du punch et de l'omelette de Rome. Il avait murmuré cette plaisanterie du bout des lèvres, à contre-cœur, sentant qu'elle était injuste. Et pourtant, qu'y avait-il là d'extraordinaire? Ce liquide était un mélange quelconque d'alcool qui brûlait comme tous les autres. Où était ce secret qui devait bouleverser le monde? Et toujours ce refrain qui tintait dans son cerveau, tous fous, les Hippelius. Avec une sorte de découragement, il reprit la lettre. Grand C. Quand je te disais que tu serais surpris dans un sens imprévu, continue. Remplis le second bassin de la même façon. Prends une seconde boule et enflamme le liquide. Puis, essaye de l'éteindre de ton souffle le plus vigoureux. Tu éteindras ainsi une coupelle de punch, n'est-il pas vrai? Conrad obéit. En vain, il souffla de toute la force de ses poumons. Le liquide ne se frisait même pas. La flamme n'oscillait pas. Seulement, plus rapidement peut-être que la première fois, le bassin se vida et la flamme s'éteignit. Grand D. Remplis le troisième bassin. Il s'agit d'éteindre cette flamme. Sans doute, on doit y parvenir avec du sable. Juste en face du fourneau se trouve un panneau mobile, comme la porte par laquelle tu es entré. Le bouton du ressort est visible. Tu trouveras là un sac de sable. Cherche à étouffer le feu, mais prends garde de ne pas renverser le liquide à terre. Bah ! Zip trouva le panneau et fit jouer le ressort. Il vint au bassin et chercha à étouffer la flamme. Instantanément, le sable fondit et se vitrifia. La flamme brûlait toujours et le liquide disparut, laissant au fond du bassin une masse cristallisée. Conrad ne songeait plus à rire. Le Hippelius qui sommeillait en lui, chercheur passionné, de nouveau s'éveillait. Grand E. Remplis le quatrième bassin et aussi les 3 premiers. Écoute bien ceci. Prends du liquide dans le creux de ta main et attentivement relie les 4 bassins par des gouttes d'eau. Mais avant de projeter une boule dans un bassin, prends encore de l'armoire de fer, des pierres, des morceaux de bois, des débris de métal et place-en dans chacun d'eux. De plus, prends garde au moment de l'inflammation de ne pas te trouver dans le cercle formé par les 4 bassins. Conrad suivit ses indications avec un soin minutieux. Il plaça dans les bassins des morceaux de briques, de fonte, de bois. Puis, ayant établi entre eux une chaîne faite de gouttes légères, il jeta la boule. Il bondit en arrière, poussant un cri d'effroi. Avec la rapidité de l'étincelle électrique, la flamme avait jailli, enveloppant les 4 bassins. tandis que les traces liquides formaient sur le sol comme des fils de feu qui s'enroulaient aux cuves et les attachaient l'une à l'autre. Puis tout s'éteignit. Plus une goutte de liquide. La fonte, les briques, le bois formaient au fond une masse noire et calcinée. Un grand F emplit la grande cuve, projette de boules et regarde sans t'approcher. Conrad agissait désormais avec la ponctualité d'un préparateur émérite. Maintenant, il n'avait plus peur. Il s'exaltait, saisi à son tour par le démon des Hippelius, aspirant à l'inconnu, au formidable. Il prit les deux boules et les considéra un moment. Non qu'il hésita à exécuter les prescriptions du mort, mais cherchant à deviner, en un élan de toute sa volonté intelligente, quelle pouvait être cette substance douée de propriétés qui lui semblait magique. La grande cuve était pleine, 50 litres de liquide à peu près. Les boules tombèrent, 2 secondes d'attente. Puis la flamme instantanée, couvrant toute la surface et léchant les bords. Puis en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, le liquide disparut, la cuve vide. Stupéfait, Conrad avait les tempes serrées comme dans un étau. Il lui semblait voir, dans l'angle de la pièce mystérieuse, l'oncle Zipelius qui le regardait de ses yeux morts, comme pour lui dire « C'est là, le secret qui m'a tué, comme il a tué mes ascendants, comme il te tuera toi-même. » Et, fiévreux, il reprit le manuscrit. Car maintenant, il avait le droit de savoir toute la vérité. C'était surtout ce liquide étrange qui le stupéfiait. Alcool, essence, jamais il n'en avait vu s'enflammer avec cette rapidité foudroyante, se volatiliser en quelques secondes et en pareille quantité. Quelles pouvaient être les applications qu'on en pourrait faire, il ne se le demandait pas encore. Cependant, il avait des visions vagues de brûlots incendiaires. Parbleu, c'était quelque chose comme l'ancien feu grégeois, cette arme terrible, perdue, à ce qu'on affirme. Et dans son cerveau s'agitaient des souvenirs de conquérants imposant leur volonté à toute la terre. Une ambition inconsciente sonnait à ses oreilles des fanfares désordonnées. D'un geste violent, il tourna le feuillet du manuscrit et lut ces mots. « Enfant, quels que soient tes rêves, ils sont au-dessous de la sublime et terrible vérité. Sais-tu quel est ce liquide que tu as vu brûler sous tes yeux, comme de l'alcool à 100 degrés, comme de l'essence 10 fois rectifiée ? Conrad Zipelius, mon héritier, mon fils, ce qui a brûlé sous tes yeux, c'est de l'eau. » « De l'eau ? » s'écria Conrad, jetant le papier avec colère. Il courait la clé de cuivre, figeait l'appareil, et avec une audace folle, risquant que le mensonge du mort le tuât, il but à large gorgée le liquide mystérieux. Et il se redressa stupéfait, impossible de douter, c'était de l'eau. Le manuscrit continuait. « Oui, de l'eau de source, sans alliage d'aucune autre substance. L'eau telle qu'elle coule dans les ruisseaux, sur le flanc des monts, telle qu'elle passe, fleuve ou rivière, à travers les cités, telle qu'elle est cachée en nappes souterraines dans les profondeurs du globe, telle aussi qu'elle vague en suspension à travers les airs, dans les nuages, telle qu'elle retombe en pluie sur la surface de la terre, l'eau claire, l'eau pure, l'eau ordinaire, banale, dont la formule, d'après la théorie atomique défendue par Wurtz, est H2O. L'eau qui est partout, qui enserre le globe, qui couvre les 2/3 de sa superficie, qui filtre dans ses entrailles, qui le pénètre, l'humecte, remplit ses forces, court dans ses veines, l'eau, comprends-tu ? Et nous, les Hippelius, nous avons découvert ce secret, mettre le feu à l'eau. Il est d'une formidable simplicité. Tu en saisis, n'est-ce pas, toute la grandeur ? Et à ce moment, Conrad s'aperçut que la nuit était tout à fait venue, et qu'il lui était impossible de déchiffrer une ligne de plus. En ses émotions multiples et disparates, il avait totalement perdu la notion du temps. Il semblait que dans cette excessive contention d'esprit, toutes ses facultés fussent suspendues. L'invasion subite de la nuit le rappela à la réalité. Et aussi la faim, une faim énorme. Tout à coup, tordant son estomac, comme une bête mauvaise, qui longtemps endormie, se serait tout à coup éveillée en s'escrimant des ongles et des dents. Ce fut une douleur, suivie de terreur. Où donc était-il ? Depuis combien d'heures se trouvait-il dans cette maison ? Où découvrirait-il des aliments ? Sortir ? Retourner ? Non, il n'y pouvait songer. Pouvait-il s'exposer à des questions auxquelles il ne pourrait ni ne voudrait répondre ? Il semblait déjà que la demi-connaissance du secret des Hippelius eût élevé une barrière entre lui et le reste des humains. et cependant, il fallait vivre, de la lumière d'abord. Aux dernières lueurs d'un crépuscule qui allait à chaque minute s'affaiblissant, Conrad chercha la bougie qui naguère l'avait éclairée, et il eut une exclamation d'angoisse en retrouvant sur le bord du fourneau une petite masse de cire informe et desséchée. Ainsi, pendant son évanouissement, la bougie, qui était presque intacte cependant, s'était consumée tout entière. Était-il donc condamné à rester jusqu'au lendemain dans cette obscurité? Il allait à tâtons maintenant, les mains fiévreuses, avec au crâne les lancinements de la faim. Il eut peur de défaillir et se raidissant d'un vigoureux effort, il alla vers la porte. Par bonheur, ses souvenirs étaient encore assez nets pour qu'il atteignît facilement le ressort. Il le pressa et se trouva sur le palier, mais ici, la nuit était plus ténébreuse. À peine Conrad, dont les idées se troublaient, pouvait-il imaginer de quel côté il lui fallait se diriger? Le hasard, plutôt que sa volonté, le guida vers l'escalier où il trébucha. Enfin, il sentit le sable craquer sous ses pieds. Il était dans le parc, enveloppé d'ombre et de silence. Au ciel, pas une étoile. De lourds nuages, pesant comme une énorme calotte de bronze, et que Conrad croyait s'abaisser sur lui pour l'écraser. Il allait droit devant lui, dans les ténèbres, pris d'un invincible besoin de locomotion, n'étant plus maître ni de ses nerfs, ni de ses muscles. Soudain, il trébucha dans la terre molle et tomba. Ses mains s'accrochèrent à des touffes de verdure qu'il arracha, et au bout desquelles ses doigts rencontrèrent des formes légumineuses. Et sans savoir, sans goûter, il mangea avidement, gloutonnement. Et quand ses mâchoires furent fatiguées de broyer, il s'endormit là, où il était tombé, comme une brute gavée. Dans le petit magasin de la rue Lacépède, au coin de la rue Linné, Mickey était assise, berçant Monique dans ses bras, Monique qui commence à rire bellement et qui murmure des sons ressemblant à des mots. « Papa, pa, maman. » « Une enfant exceptionnelle, madame, comme on en voit, je ne dirai pas jamais, mais très rarement, forte, grasse et espiègle. Vous savez, il faut déjà prendre garde de ne rien laisser à sa portée. » La petite friponne, dès qu'elle peut mettre les doigts sur un bout de ruban ou un morceau de papier, elle vous déchiquette la chose, si forte pour son âge. Et comme riant, la petite Monique répète « Pa, pa !» Voici que Mickey a sur les joues de grosses larmes qui roulent. Père Peters, occupé à donner la dernière teinte à un beau marmance, la regarde, et avec un mouvement de dépit « Mais Mickey, ma chérie, il faut pourtant se faire une raison, il n'est pas perdu, ton mari !» Mickey retient ses larmes, mais là le cœur si gros qu'elle peut à peine parler. « Je sais bien, père, je sais bien, mais songe donc, 8 jours, sans donner de ses nouvelles. C'est long, en effet, » murmure Peters. « Mais ce n'est pas petite affaire que de régler un héritage, surtout quand il s'agit de centaines de mille francs. Ces hommes de loi, ça n'en finit pas. Mais toi, père, quand tu étais en voyage, est-ce que tu restais 8 jours sans écrire à maman ?»« Jamais, » s'écria Peters, pris au piège. Puis se repentant de cet élan de sincérité. Pourtant, il peut y avoir des circonstances. Le fait est que la conduite de Zip est au moins bizarre. Le lendemain de son arrivée, on a reçu de lui un télégramme. Tout marche à souhait, l'héritage est acquis, la nouvelle est plus satisfaisante qu'on ne l'espérait. Selon toute apparence, une lettre doit suivre qui apporte tous les détails de cette mémorable aventure, annonçant un prompt retour ou tout au moins expliquant les motifs d'un séjour plus prolongé. Le lendemain, rien. Le surlendemain, rien encore. Et les jours passent, passent. Voici que toute une semaine s'est écoulée. Où est-il seulement? À Bolzel, à Blanquins, à Dunkerque. Auprès de qui s'enquérir? Puis Mickey craindrait de le contrarier par quelque démarche intempestive. C'est qu'il va revenir à l'improviste. Et sur la pierre du trottoir, Mickey ne peut entendre l'écho d'un pas sans que son cœur batte à lui faire mal. Elle a peur. Quelquefois, en riant, on répétait dans la maison le dicton du pays « Tous fous, les Hippelius !» Et pourtant, qui paraissait d'esprit plus froid, plus rassis que Conrad, à qui se fier? Pauvre Mickey, qui s'était si bien endormi dans sa sécurité que rien ne devait troubler, puisqu'elle aimait et qu'elle était aimée. Fallait-il donc qu'une malheureuse affaire d'argent fût venue se jeter à la traverse de son bonheur? Mais aussi, il pouvait lui être arrivé quelque accident. L'inquiétude ne doit pas être égoïste. On aurait pu admettre encore qu'il oublia un instant sa femme. Après 2 ans de mariage, mais Monique, mais le bébé, non. Il était trop bon cœur pour rester ainsi 8 jours volontairement sans nouvelles de la petite qui l'appelait à chaque minute. L'entendez-vous ? Pas ! Pas ! Et Monique, peut-être parce qu'elle avait mal aux dents, se mit à pleurer. Le père Peters était fort embarrassé. Il n'avait jamais été causeur et eut fait un détestable avocat. On ne peut pas tout savoir. Mickey faisait d'ailleurs tous les frais de la plaidoirie et ne lui laissait pas le loisir de placer une parole. Monique criait maintenant de toutes ses forces. L'honneur était sauf. Mickey, le visage couvert de larmes, emmena la petite dans l'arrière-boutique. À ce moment, l'ami Perner se glissa dans la boutique en adressant à Peter ce signe maçonnique qui dans toutes les langues mime et signifie « Chut, pas de bruit ». Puis il appela Peters d'un geste, derrière un ballot de vieilles toiles. « Qu'y a-t-il ? » demanda le vieux rentoileur, visiblement effrayé. « Pas si haut. Il est inutile que Mickey entende. Vous savez quelque chose ?»« Oui, » fit Perner en tirant une lettre de sa poche. « Avant-hier, sans vous consulter, j'ai pris sur moi d'écrire. »« À qui ? » ?»« Eh ! » !»« À la seule personne dont nous avions le nom et l'adresse, au notaire maître Van Le Berg. » Et il a répondu « Par courrier. » C'est un homme ponctuel. D'ailleurs, j'avais joué un timbre pour la réponse. Vite, que vous dit-il ? Conrad est bien portant, au moins. À vrai dire, je n'en sais rien. Mais le mieux, c'est que vous lisiez vous-même sa lettre. En pareille circonstance, deux avis valent mieux qu'un. Et avant d'en parler à Mickey, il faut que nous nous soyons concertés. Il mit aux mains de Peters la missive du notaire. Voici ce que disait l'honorable tabellion de Bolzel. Monsieur, en vous accusant réception de votre honoré en date d'hier, j'ai le regret de ne pouvoir vous fournir aucun renseignement sur la résidence actuelle du sieur Conrad Zippelius, que j'ai eu l'honneur de voir une seule fois, il y a justement une semaine aujourd'hui, en mon étude, où se sont traitées à notre satisfaction mutuelle, j'ose le dire, les délicates opérations relatives à la succession de JMZ. Monsieur Conrad a bien voulu me confier, après remise d'inventaire reconnu exact, les diverses valeurs composant la dite succession, à l'exception de lettres, menus objets et certaines sommes d'argent, 50 000 francs, que j'ai déposées entre ses mains. M. Conrad Zippelius demeurait alors à l'hôtel de la Couronne, tenu par M. et Mme Frankel, personne fort estimée dans le canton. M. CZ paraît avoir quitté l'hôtel dans la nuit suivante, sans avertir personne et de façon assez insolite par la fenêtre, et en laissant éparpiller sur son lit 50 billets de 1 000 francs, ceux-là même dont je lui avais fait la remise contre reçu. Il a également abandonné la petite valise qui constituait tout son bagage. Ces divers objets ont été mis en sûreté. La famille de M. CZ peut être sans inquiétude à cet égard. Nous avions tout lieu de supposer que M. CZ avait été appelé par des affaires urgentes à Paris. Votre lettre nous apprend qu'il n'en est rien. En cet état de choses, M. Frankel, pour mettre sa responsabilité à couvert, a fait aujourd'hui même sa déclaration à l'autorité compétente. Je crois devoir vous aviser de ces faits afin que vous preniez les mesures que vous jugerez utiles en l'occurrence. Veuillez agréer, etc. Les deux hommes, Peters et Perner, se regardaient ahuris. Que signifiait tout ce gâchis ? Conrad se sauvant la nuit de son hôtel comme un voleur, ou plutôt en agissant à l'inverse des voleurs, puisqu'il laissait de l'argent au lieu d'en emporter. Avait-il été subitement frappé de folie ? Cet héritage inespéré lui avait-il troublé le cerveau ? Il était bon, le notaire, avec ses mesures à prendre, lesquelles, pourquoi, tout au moins, ne donnait-il pas un conseil ? En somme, dit Perner, il y a un fait positif, c'est que Zip a disparu. S'il avait été assassiné, mais puisqu'il n'avait pas son argent sur lui. Et puis, quand on doit se faire assassiner, on ne commence pas par sortir par la fenêtre. Et puis on en aurait entendu parler dans le pays. Savez-vous bien qu'à tout dire, cela m'a l'air de l'escapade d'un fou ? Chut, voilà Mickey. En effet, la jeune femme, ayant endormi l'enfant, sortait de l'arrière-boutique et en rafraîchit ses joues. Elle apparaissait comme la personnification de la jeunesse saine et honnête. « Ah, vous voilà, Perner, » dit-elle. « Mais vous avez l'air tout bouleversé, et père aussi. » Et elle ajouta brusquement. « Vous avez reçu des nouvelles de Conrad ? De mauvaises nouvelles ?» Mais non, je vous assure. Autant l'un que l'autre, les deux hommes, si retour dans leurs affaires de commerce, étaient inhabiles aux mensonges de la vie privée. Ce sont là des mystères de la conscience humaine. Ne me trompez pas, reprit Mickey, dont la voix tremblante s'affermissait cependant d'une singulière énergie. Conrad est mon mari, le père de ma Monique, et j'ai le droit de tout savoir. » Et comme il se taisait, incapable de prendre une décision, « Il n'est pas mort au moins » cria-t-elle, devenue toute blanche. « Non, non » clamèrent-ils en même temps. Et Bernard ajouta, « Elle a raison, c'est son droit. »« Eh bien, lis !» dit le père, « mais surtout, ne te fais pas de mal !» Déjà, elle parcourait avidement la lettre du notaire. Elle pâlit encore plus, mais se tint droite, résistant à la défaillance, au contraire, relisant plus lentement, plus attentivement. « Il n'y a qu'une chose à faire, » dit-elle enfin d'une voix brève, « partir, partir aujourd'hui même. Comment tu veux, mais tu n'y penses pas, l'enfant. J'emporterai l'enfant, » répliqua Mickey. « C'est son droit, à lui aussi, d'aller là où est son père. Mais c'est un long voyage, je n'en sais rien. Peu m'importe. Ce serait au bout de la terre que je partirais quand même. Vous avez l'air surpris. Mais vous ne sentez donc pas que c'est mon devoir ?» Et après un silence, elle ajouta, « C'est que je l'aime bien, mon Conrad. Mais enfin, cria le père, tu ne veux pas partir seul ?»« Seul, fit Bernard, est-ce que je ne suis pas là ?»« Et vous croyez que je vous laisserai ainsi partir tous les deux ?» dit à son tour le père Peters. « D'abord, je ne le dois pas, je m'entends. Et puis, est-ce que je vais rester là, me morfondre, attendant les lettres, que vous oublierez d'écrire ?»« Eh bien, dit Mickey, partons tous les trois, nous aurons peut-être à nous consulter. Il est bon que nous puissions nous entendre. » Elle semblait tout à coup héroïque, la douce Mickey. L'amour du mari et de l'enfant mettait en cette nature un peu molle une énergie subite. Puis elle avait, sans l'avouer, si grand peur. Un homme n'est véritablement connu que de sa compagne. Mickey savait que sous son apparence indolente, Zip cachait parfois d'étranges surexcitations. Il était le premier à s'en apercevoir et à se railler lui-même. Mais Mickey avait vu passer dans ses yeux une lueur qui l'effrayait. Ne lui avait-il pas cité le mot du vieux curé, tous foulés Zipelius ? À la lecture de la lettre, cette idée de folie s'était subitement imposée à elle. Elle se taisait, mais elle sentait qu'aux autres aussi cette pensée sinistre était venue. On ne discuta plus. Par bonheur, la santé du bébé était excellente. Et puis le vieux Peters, rompant avec toutes ses habitudes d'économie, avait exigé qu'on voyageât en première classe. Pour la première fois de sa vie, il se sentait père, grand-père, même beau-père, jusqu'au moelle. Et quelques heures après, le chemin de fer du Nord emportait vers la ville de Bolzel, dont jamais peut-être on ne s'était tant préoccupé à Paris, tous ceux qui aimaient l'héritier de Jean-Martin Zipelius. Pendant ce temps, que devenait Conrad ? Il devenait fou. Revenu à lui après son excès de légumes crus, Zip avait couru comme en délire à Chambre de Fer et là, il avait repris le manuscrit dont la nuit avait interrompu la lecture. Puis il s'était blotti dans un des fourrés les plus épais du parc, envahi dès longtemps par des végétations folles, et il s'était plongé à nouveau dans les élucubrations du vieux savant. Mettre le feu à l'eau, idée d'une formidable simplicité. Tu en saisis, n'est-ce pas, toute la grandeur ? Je ne te trompais pas quand je te disais que par notre découverte, nous sommes véritablement les maîtres du monde, de son sort dans le présent et dans l'avenir. N'as-tu pas entendu parler, d'ailleurs, de monde disparu ? N'est-il pas à peu près certain qu'en des périodes dont l'éloignement se chiffre par des millions d'années, des êtres ont vécu, les Atlantes par exemple, dont la civilisation dépassait la nôtre autant que la plus haute montagne dépasse une taupinière ? Comment ces mondes ont-ils été détruits ? N'est-il pas vraisemblable qu'en ces temps un Zipelius quelconque, cherchant quelques secrets de vie et de richesse, ainsi faisions-nous nous-mêmes lorsque le grand secret nous a été révélé, qu'un fou pareil à nous, fou signifie alors trop savant, est, soit involontairement, soit sciemment, et pour obéir à quelque volonté du destin, disloqué, désagrégé, brisé la boule terrestre. Et alors, il a fallu que pendant les cycles, la nature recommence à son œuvre, si lente pour la création, si rapide pour la destruction. Et voici qu'aujourd'hui, du minéral au végétal et du végétal à l'animal jusqu'à l'homme, la chaîne s'est ressoudée, le travail de civilisation a recommencé, obéissant aux lois inéluctables du progrès. Nous voici, nous, les Zipelius. Le phénomène que tu as vu s'accomplir dans les cuves de la chambre de fer, nous pouvons le généraliser, l'universaliser. Suppose que nous mettions le feu à la mer. Que la grandeur apparente de la masse ne t'étonne point. Les quantités de matière que tu as employées représentent à peu près de 10 millièmes de milligramme. Pour enflammer l'océan, il faut environ 2 kg de cette matière. Suppose que je projette cette substance dans la mer et en une heure environ, des pôles à l'équateur, toute la masse liquide s'enflamme. Sur elle s'étend une nappe incandescente d'environ 2 mètres de haut. Point d'ouragan qui la puisse éteindre, pas de montagne qui en s'écroulant puisse l'étouffer. Tout ce qu'elle touche, liquide, s'enflamme aussitôt et propage l'incendie. Les fleuves brûlent, les rivières, les torrents brûlent, dans les entrailles de la terre, les réservoirs, enfouis au plus profond des abîmes, deviennent d'épouvantables chaudières d'où jaillit le feu. Les solides sont fondus, tordus, désorganisés comme fêtus de paille. Pas de minéral qui résiste. Objective en ton cerveau ces scènes terrifiantes et sublimes. Toi, Zibelius, tu as, comme l'enfant pervers enflamme une meule de foin, tu as mis le feu à l'eau. Et les continents sont instantanément encerclés d'une ceinture de flammes, tandis qu'à travers les cités, les capitales, les champs, s'enlace un réseau de feu. Le genre humain crierait-il ? L'horreur première ne finirait-elle pas dans la suffocation immédiate ? Les gémissements ne seraient-ils point bâillonnés par les écroulements, par les engloutissements ? L'eau brûle. Aurait-on le temps du désespoir ? Et c'est là ce que je puis faire, c'est là ce que toi, tu pourras faire après moi si j'ai reculé devant l'immensité du forfait. Est-ce donc un forfait ? Il y a dans l'effort cérébral de la race pensante une marche sûre, recte, et dont rien ne la fait dévier. Elle ne le crée pas, elle ne le guide pas, elle le subit. Puisque la providence, et je désigne ainsi, avec Platon, la nature naturante, l'action cosmique et toute puissante, puisque la providence a permis que moi, Jean-Martin Zibelius, je possédasse le secret de la destruction universelle, c'est que cela rentre dans ses desseins, dont la fin est impénétrable à nos facultés bornées. En agissant, je ne ferai que lui obéir. Et pourtant j'hésite. Et c'est cette hésitation, fruit des imperfections égoïstes de mon humanité, qui me torture et qui m'affole. Ah oui, mon fils, j'endure, depuis de longues années, des supplices, dont aucune expression ne saurait rendre l'intensité. Savoir, pouvoir et ne pas agir. Au moment où la décision la plus ferme me chasse de mon laboratoire, m'arrêter en chemin parce que j'ai rencontré un enfant, parce que là-bas, en travaillant, un homme a chanté, parce que j'ai entendu au-dessus des villes le bruissement de la ruche humaine s'efforçant vers l'avenir, et quand retentit à mon oreille le cri sinistre, le feu à l'eau, je blêmis, je frissonne et je pense à mourir. Car c'est entre moi et la terre un duel à mort. Nous sommes face à face, comme deux adversaires dont chacun tiendrait à appliquer un pistolet chargé sur la poitrine de l'autre, attendant qu'une voix crie à l'un ou à l'autre de tirer le premier. Oh, jamais la terre n'a soupçonné les dangers qu'elle a courus. J'ai passé de longues heures assis sur un rocher au bord de la mer, ayant auprès de moi la boîte où se cachait le secret des Zibelius. Un geste et tout était fini. Et moi j'aurais eu, avant de mourir, la vision incroyablement superbe de l'embrasement de l'océan. Quelle hantise ! Et quand je songe que ces hommes que je pouvais anéantir, que ma pitié sauvait au prix de mes tortures, ces hommes me persécutaient. Alors, l'effroyable tentation me prenait d'en finir. Oui, ainsi je suis allé me poster sur un pont, au-dessus d'un petit cours d'eau, et pendant que je méditais, me disant qu'en mettant le feu à cet humble ruisseau, qui propagerait l'incendie jusqu'aux rivières, jusqu'aux fleuves, jusqu'à la mer, je pouvais brûler le monde. Des gamins derrière moi m'insultaient et me jetaient des pierres. Ah, mais je ne réponds pas éternellement de ma résistance à ce qui est peut-être mon devoir, ni de ma patience contre ma haine et mon mépris des hommes. Que ferais-je ? Tu sais tout maintenant. Si tu lis ceci, c'est que je suis mort. Me suis-je tué ? J'y ai déjà souvent songé. J'ai songé lorsque l'obsession devenait trop aiguë et que j'avais peur de ne pas lui résister. Je suis lâche. Si je me tue, peut-être devrais-je anéantir avec moi le secret. Je sais que je ne le ferai pas. Je n'en ai pas le droit. Toute découverte est un patrimoine dont le savant est comptable envers l'humanité. Qui sait d'ailleurs si de mon secret de mort, un autre ne fera pas un secret de vie. Je mens. Je ne le détruirai pas parce que c'est mon orgueil, c'est ma passion, parce que c'est ma folie et que je l'aime. Est-ce qu'on tue son enfant ? Je te le confie. C'est une simple formule chimique. Ne crois pas qu'il s'agisse du potassium. En sa combinaison avec l'oxygène, l'hydrogène brûle sur place et l'incendie ne se propage pas. ce n'est pas l'eau qui brûle, c'est un des éléments dissociés de l'eau. La substance qui met le feu à l'eau, par un effet de catalyse, est très répandue dans la nature. Seule sa préparation demande beaucoup de soins et de minutie. Il te reste une enveloppe à ouvrir. Elle contient, décrite dans tous ses détails, l'opération nécessaire. Un dernier mot. Songe que quand tu l'auras ouverte, tu ne t'appartiendras plus. Tu appartiendras au secret des Hippelius. Ne te hâte pas. Familiarise-toi d'abord avec la terrible pensée de la puissance qui t'échappera. Pénètre-toi de la grandeur sinistre de la mission que tu auras acceptée. Souviens-toi que tu n'auras qu'un geste à faire pour détruire le monde. Avant que tu n'aies porté contre la terre l'arrêt décisif, tu souffriras tout ce que j'ai souffert. Et ce fut horrible. J'ai dû vivre seul, sans amis, sans compagne, sans enfants. Car un jour pouvait venir où j'eusse été contraint de les envelopper dans la catastrophe universelle. Ou si, à cause d'eux, je m'étais arrêté dans l'accomplissement de mon mandat, je me serais considéré comme un criminel. Si je te parle ainsi, c'est par un sentiment de suprême miséricorde, n'agis qu'à bon escient. Mais si, délibérément, tu prends charge du secret des Hippelius, le feu à l'eau, alors c'est que la Providence t'a fait naître pour ce but. Va droit ta route, que rien ne te détourne, ni amour de toi-même, ni amour des autres. Adieu, J.M.Z. Quand Conrad eut achevé sa lecture, il resta longtemps immobile, comme écrasé sous un poids qui se fut tout à coup posé sur son cerveau. D'ailleurs, tout son organisme était déséquilibré. Ce robuste jeune homme de 25 ans était sans nourriture depuis 3 jours, car son évanouissement avait duré près de 24 heures. Les quelques racines qu'il avait dévorées avaient trompé sa faim, mais sans l'assouvir. Puis, il y avait en lui une impression singulière. Il lui semblait qu'il ne fût pas en liberté. Sans raisonner cette sensation bizarre, il avait la conviction indiscutée qu'il était dans une sorte de prison et qu'il lui était interdit de s'évader. Sous son crâne, 4 mots incessamment répétés, le feu à l'eau. Les phrases du manuscrit s'étaient pour ainsi dire incrustées dans la substance même de son cerveau. Et ainsi que le style du phonographe ressuscite des sons morts, l'aiguille lancinante de la fièvre réveillait, en les profondeurs de sa mémoire, l'écho des phrases écrites par le vieil alchimiste. Et c'était un écho lointain, affaibli, comme la voix de la vieille taupe entendue par Hamlet. Aussi, les tableaux de terreur évoqués par la mort se déroulaient devant les yeux de son âme, avec leurs épouvantements d'autant plus sinistres que leur grandeur même s'opposait à toute spécialisation d'effet. Impressionnisme au premier chef. Quel peintre pourrait rendre cette énormité la mer qui brûle? Et dans l'imagination du dernier des Hippelius, ce décor aux perspectives sans fin, aux plans illimités, prenait des proportions d'une infinie profondeur sous des reflets cuivrés. Il comprit cependant qu'il ne lui fallait pas rester là, perpétuellement ankylosé dans cette stupeur. Il se leva et se mit à marcher au hasard. La propriété était vaste, mais à chaque détour, les amoncellements de broussailles le faisaient obstacle et le repoussaient. Alors, il revenait sur ses pas avec une allure d'automate, le dos courbé, portant sur ses épaules cette chose de plomb qui s'appelait le secret des Hippelius. Il se retrouva à l'entrée de la maison. S'arrêtant sur le seuil, il vit qu'elle était grande et se souvint qu'il ne devait en avoir visité qu'une très petite partie. Il remonta l'escalier de la tourelle et, examinant mieux, il reconnut que sur le palier où se trouvait la porte de fer s'ouvrait une autre issue. Il poussa un panneau qui tourna sur lui-même et il se trouva dans un cabinet de travail encombré de livres et de cartons. Au milieu, une map monde de 2 mètres de diamètre. L'examinant, il vit que l'oncle Hippelius avait tracé d'un pinceau chargé de couleurs rouges la marche que suivrait l'incendie allumé dans la mer du Nord. C'était simple et horriblement saisissant. D'un élan simultané, le feu se jetait au nord et au sud, vers l'Espagne et vers le Groenland, puis enserrait les îles britanniques, s'épandait sur l'Atlantique tout entier, pour ensuite encercler les 2 Amériques, et le Pacifique devenir rouge, et la mer des Indes, tandis que le flot de l'océan traversant Gibraltar, venait par la plaine méditerranéenne, reliant la mer d'Égypte, le dernier anneau de cette chaîne de destruction. Puis, c'était à travers les continents, le réseau des fleuves et des rivières. Comme des veines de feu dans un corps vivant, ce corps qui était notre terre. Machinalement, Conrad examinait la bibliothèque. C'étaient les ouvrages de science les plus modernes, à côté des collections des vieux hermétistes, depuis Roger Bacon jusqu'à Belot et au comte de Gabalis, même Eliphas Lévi et Papus. Sur le bureau, il vit une feuille de papier sur laquelle ces mots étaient écrits. « Si tu as faim, prends dans le tiroir de droite un flacon rempli de pilules brunes. Chacune d'elles te soutiendra pendant 20 heures. » Décidément, l'oncle Sibelius avait pensé à tout. Auprès, un volume de Schopenhauer était ouvert, et ses lignes étaient crayonnées de rouge. La nature ne nous laissera jamais choir de ses bras pour être anéantie. Elle ne peut que nous conduire ailleurs, mais toujours dans son propre sein. Il se mit à feuilleter le volume, lui qui n'avait jamais jeté un regard sur une œuvre philosophique, et par une sorte de phénomène réflexe, il comprenait même l'incompréhensible. Une immense désillusion l'envahissait. Il repoussa le livre, prit une pilule noire qu'il avala, puis il continua de visiter la maison, en une pièce, un lit d'assiette où seul l'insomnie avait dû veiller. Soudain, il poussa un cri. Devant lui, sous un balcon de fer forgé, il venait d'apercevoir l'Isère, la petite rivière qui semblait une jolie fille se hâtant à un rendez-vous, si coquette entre ses guipures vertes. Et cette eau bouillonnait comme une dentelle, avec des gouttelettes de perles éparses, lui causa une horreur indicible. Il ne comprit pas tout d'abord ce que signifiait cette répulsion. Puis il se souvint, et plus encore eut peur de cette fluidité qui s'en allait là-bas, là-bas, vers le fleuve et vers la mer. Ainsi, de ce balcon, il pouvait, lui, par la seule détente d'un de ses muscles, provoquer l'incendie universel, la calcination du globe, la combustion de toute chose vivante. Si petit, en face de la nature, il était doué de cette force, et il n'en userait pas. Il ne se donnerait pas cette infinie jouissance d'être le Tout-Puissant, fût-ce pendant une seconde. Dût-il la payer de sa vie? Et il resta là, longtemps, hypnotisé devant cette eau qui, insouciante, s'en allait avec un murmure, comme pour le défier. Et encore le jour tombait. Conrad eut terreur de se retrouver dans la nuit. Il rentra dans le cabinet et chercha. Une lampe était là, à demi pleine d'huile. Il l'alluma et s'étendit dans le fauteuil où, si longtemps, l'oncle Sibelius avait rêvé. Il voulut lire, mais le philosophe allemand lui apparut ricanant et férocement railleur. Il ne put continuer. Quelque chose en lui protestait au nom de la vie contre la mort. Sentant venir le sommeil, il éteignit la lampe et s'endormit. Le lendemain, Conrad, plus maître de lui, songea à ce qu'il était, à ce qu'il était venu faire dans ce pays, et enfin à ceux qu'il avait laissés là-bas. Mais ce souvenir n'était plus en lui que comme une grisaille presque effacée. Mickey, Monique. Ah oui, autrefois, avant qu'il ne fût devenu l'héritier des Sibelius, le maître du secret. L'oncle lui avait conseillé de ne pas ouvrir tout de suite la dernière enveloppe. Pourquoi donc? Parce que, disait-il, Conrad deviendrait l'esclave du secret. Allons donc, est-ce qu'il était un enfant, après tout? Quand bien même il connaîtrait la formule, quand même il aurait préparé la substance, est-ce que, par cela même, il s'engagerait à s'en servir? Point. Il restera le maître de sa volonté. Comme l'oncle Sibelius, il pèserait les motifs de l'acte qu'il pourrait accomplir, auquel il ne se déciderait qu'en parfaite liberté de conscience. Plusieurs fois, il alla jusqu'à la chambre de fer pour y prendre la troisième et dernière enveloppe. Cependant, il n'entra pas. Au dernier pas, il se sentait subitement arrêté. Quoique vague, le raisonnement agissait en lui. Eh bien, après, quand il connaîtrait la formule chimique, quand il saurait le moyen de mettre le feu à l'eau, à quoi cela lui servirait-il? Une puissance de destruction n'est qu'une négation. Pour l'exercer, il lui faudrait renoncer pour lui-même, pour les siens, au bénéfice de la vie. La vie, la possession de soi-même, la sensation exquise de l'action. En ce moment-là, il reprenait possession de son être propre. Il s'éloignait de la porte maudite, insultant des exclamations furieuses ces hommes néfastes dont il était l'héritier rebelle. il s'enfuyait au fond du parc, décidé à fuir, à s'arracher violemment à l'atmosphère troublante de cette demeure, dont les murs suaient la folie. Et l'heure suivante le retrouvait dans le cabinet du vieux Zipelius, immobile, l'œil vague, entendant au fond de son cerveau la voix incessante et monotone de la curiosité. 4 jours déjà s'étaient ainsi écoulés, dans une oisiveté apparente, plus lassante que n'eût été l'exercice le plus violent. La préparation chimique qu'il absorbait pour entretenir ses forces engourdissait l'organisme en allégeant, en affinant l'esprit. La notion du pouvoir possible, de l'effrayante domination qui lui était léguée, s'affirmait avec une clarté grandissante et en même temps la conviction qu'il ne lui était pas permis de se soustraire à un devoir. Au matin du 5e jour, avec la sérénité des martyrs volontaires, il entra dans la chambre de fer. La 3e enveloppe était là. Il la prit sans trembler, ainsi que la boîte qui était vide, et il revint s'enfermer dans le cabinet. Il ouvrit l'enveloppe et d'abord poussa un cri de surprise. La feuille qu'il en avait tirée lui apparut blanche. Était-ce décidément une mystification suprême? Non. Il remarqua que la feuille était cachée sous de petites bandelettes de papier occupant toute sa largeur et haute d'environ 2 cm. Il en compta 6. Il glissa un canif sous celle qui occupait la partie supérieure de la feuille et vit qu'il n'était fixé qu'aux 2 extrémités qu'il détacha, et sous cette bandelette, il lut ceci. L'opération se compose de 6 stades. Il est important de ne pas en intervertir l'ordre. C'est pourquoi je t'adjure de découvrir les autres parties de la feuille que lorsque tu auras exécuté en leur intégrité les prescriptions indiquées en celles que tu as sous les yeux. Dans la chambre de fer, allume un feu qui devra être entretenu pendant 24 heures, la température de la pièce étant maintenue à 31 degrés. Pendant ce temps, étudie le chapitre 16 de la chimie de Frémy, 3e rayon, en face de toi. Bah ! Conrad ne résistait plus, ne discutait plus, et pendant 24 heures, le fourneau brûla, le thermomètre marquant la température voulue. En même temps, il lisait, cherchant à se pénétrer des formules qu'il comprenait mal. Le jour suivant, il descendit dans des caves dont il n'avait pas jusque-là supposé l'existence, et où étaient entassés des appareils divers, dont il dut faire un choix d'après des instructions minutieuses et précises. Puis il soumit 2 cylindres de fonte au feu du fourneau, et les ayant dévissés, les décapa soigneusement. Ces préparatifs prirent encore 1 journée. Les bandes avaient été détachées 1 à 1 jusqu'à la 5e. Sous cette dernière, ceci était écrit. « Mon fils, tu es prêt à acquérir le secret. Tes appareils sont disposés. Ce qui te reste à exécuter serait un enfantillage si justement il ne s'agissait de soumettre à l'opération ultime la substance que tu ne connais pas encore. Le nom de cette substance, la façon d'ailleurs très simple de l'obtenir, le traitement qu'il convient de lui faire subir, c'est là tout le secret des Zipelius. Je te suppose décidé. Je te rappelle que sa possession était cause de la mort de 3 hommes. Je dois le faire, mais sans insister. Demain, sans doute, tu appartiendras au secret, et le reste est au fatum. Cependant, t'ordonne de ne soulever la dernière bandelette que demain, au grand jour. Ce soir, avant de t'endormir, si tu es assez fort pour dormir, anime le feu du fourneau, que la température de la chambre de fer s'élève au plus haut degré possible, et jusqu'à demain, sois encore libre. Libre, Conrad l'était-il réellement? Non pas. Une domination pesait sur lui, si lourde que l'idée ne lui venait même plus de rejeter le fardeau. Dans cette nuit, qui fut si longue et que cependant sa terreur du lendemain aurait voulu prolonger encore, des rêves fous le hantaient. À mesure qu'approchait l'heure décisive, la vision fulgurante de l'universel incendie surgissait devant lui, plus nette, en élargissement de perspectives sans fin. Immensité rouge, dans laquelle des masses se tordaient, avec montant au-dessus un cri fait de tous les cris des êtres et des choses. Et ce n'était plus de l'horreur qu'il ressentait, mais bien un intense désir de maniaque. Il voulait voir cela, et cherchait à déterminer le point où il se placerait pour s'assurer, avant l'engloutissement suprême, quelques minutes de répit. Ce ne serait pas ici, d'ailleurs, qu'il accomplirait l'œuvre. L'oncle Zipelius avait bien compris de quelle beauté inouïe sur l'incendie de la mer. Il se posterait sur une haute falaise, ayant devant lui l'horizon large, et de ce piédestal, sur lequel il se dresserait comme le génie de la destruction, il lancerait à tour de bras la pavane dans l'océan. Et soudain, la flamme jaillirait, s'étendrait, tourbillonnerait jusqu'aux confins de l'horizon. Et il resterait là, stupéfié, jouissant perversement de l'impossibilité de repentir jusqu'au moment où son rocher, fondant comme de la cire, s'écroulerait dans le gouffre. Il ressassait maintenant, il savourait ce rêve monstrueux, éprouvant une telle joie d'orgueil à se sentir si puissant pour le mal que jamais il lui semblait n'avoir aimé plus profondément la vie. Il s'était jeté au plus profond du parc et entendait avec un plaisir méchant un petit ruisseau qui descendait vers l'Isère. Ce filet gazouillant serait lui aussi le complice du crime superbe. Le flot, devenu lave, irait porter jusqu'à Bolzelle la terreur et la mort. Et dans l'angoisse instantanée du désastre inévitable, ces gens comprendraient enfin ce que balaient les menaces du vieux Zipelius. Déjà l'aube pointait, un froid vif glaçait les membres de Conrad, qui se mit à marcher rapidement, se souvenant que l'oncle lui avait recommandé de n'agir qu'au grand jour. Il fallait jusque-là calmer la fièvre, qui à l'heure décisive pourra faire trembler la main et vaciller la pensée. Il allait devant lui, avec aux tempes, un bourdonnement continuel comme un glas lointain. C'était la cloche funèbre qui, en son cerveau, sonnait la mort du monde. Il avait franchi pour la première fois la ceinture de broussailles qui enserrait la maison. Devant lui s'étendait un large horizon que bornait au fond le rideau d'une forêt. Il se souvint alors qu'on lui avait parlé de centaines d'hectares. La lumière grise du matin donnait à l'espace des profondeurs attristées. Conrad songeait que ce qui commençait maintenant, c'était la journée du deuil universel. Dans quelques heures, la fin de tout. Car il ne résistait plus. C'était une fatalité qui l'avait saisie et laquelle il n'avait pas le droit de se soustraire. Et quand, au-dessus du brouillard humide, enveloppant la nature, la grande lumière du jour s'épandit, Conrad releva la tête, se redressa et se retournant, marcha vers la maison en soldat qui va exécuter sa consigne. Il s'aperçut alors qu'il était fort éloigné, et pris d'une impatience qui se doublait d'une sorte de fureur, car il voulait en finir, selon le mot de tous les hésitants qui s'emballent, il se mit à courir pour plutôt tenir dans sa main l'arme des Zipelius. Mais dans sa précipitation, il s'engagea dans des sentiers où la marche était presque impossible. Il se déchirait les mains aux broussailles, étant aveuglé par les branchages qui le souffletaient au visage, et sous ses excitations énervantes, il lui montait au cerveau une haine contre la terre, contre la nature. C'était la folie des Zipelius qui, dans une crise décisive, s'emparait de sa victime. Trois fois, il se trouva en face de la rivière, en un point où il lui était impossible de regagner la maison par la berge trop étroite. Et il montrait le point à cette tour impassible dont il se vengerait tout à l'heure. Enfin, il retrouva sa voix, ayant perdu plus de 2 heures en ses courses désordonnées et avec des gestes d'insensés, il se précipita vers la maison. Il bondit à travers l'escalier de la tourelle et tout à coup s'arrêta stupéfait. Quelle était donc au-dessus de lui cette voix gazouillante qui disait « Papa, papa !» Et étant monté plus doucement, il vit, à travers la porte entrouverte du cabinet des Zipelius, Mick est assise et qui pleurait en allaitant son enfant, Monique, la petite Monique. Est-ce qu'il était fou, vraiment? Est-ce que c'était là une vision, phase nouvelle du cauchemar qui l'obsédait? Il n'osait faire un pas, ayant une honte inconsciente. Une voix cria derrière lui. « C'est lui, le voilà !» Et deux bras robustes l'enveloppèrent. Michel Pernet criait « Madame Mickey, venez donc, il est retrouvé !» Et sur le seuil, Mickey se dressa, l'enfant au sein, dans l'adorable beauté de la maternité, de la vie qui se donne tout entière à la vie, et Conrad tomba à genoux devant elle, sanglotant et les mains tendues. Elle lui disait, tout doucement, « Oh, comme tu nous as fait peur! Si tu savais ce que j'ai souffert, que t'est-il donc arrivé? Tu es tout pâle. mon ami, mon mari, est-ce que tu ne peux pas embrasser Monique ?» D'une main le relevant, elle l'attira dans la pièce et le contraignit à s'asseoir, puis elle lui posa le bébé sur les genoux. « Pas, papa !» Il l'embrassa respectueusement, pieusement, en un réveil exquis de sa paternité. Puis il tendit la main à Mickey en lui disant, avec un sourire triste, « Pardonne-moi, tous fous les Hippelius !»« Mais c'est que nous désespérions de te trouver, » disait Berner. « Comment se douter que tu étais ici puisque tu n'avais pas pris la clé chez le notaire ?»« Tu as donc passé par-dessus les murs ?»« C'est un paysan qui est venu dire qu'on voyait de la fumée. » Lui n'entendait pas. Baisant Monique lentement, à petits coups, il l'avait assise sur le bureau du vieux Hippelius, et elle riait, fourrageant de ses petites mains dans les papiers épars. Le père Peters entra, revenant du bois où il avait cherché lui aussi. « Conrad, toi, il n'est pas malade au moins ?»« J'ai peur que Monique ait froid, » dit Mickey. « Tu as du feu ici ?»« Oui, oui, » fit Conrad, « par ici. » Et Mickey, ayant repris l'enfant, ils allèrent vers la chambre de fer de Conrad ouvrir la porte. « Chauffe tes petons, mon ange, » dit la mère en approchant du fourneau les pieds de la petite créature. Conrad souleva un peu le couvercle de fonte et, rayant la flamme rouge, Monique, qui était presque au-dessus, laissa tomber un papier qu'elle avait dans la main. Et le feu le saisit. Conrad poussa un cri terrible. Il l'avait reconnu au passage. C'était le testament du vieux Hippelius. C'était le secret. Il leva les bras et, avec un rire de fou, s'abattit sur le plancher. « Tu m'as sauvé, et tu as sauvé le monde, » disait 8 jours plus tard Zip à Monique, qui jouait sur son lit. « Amen. Les Hippelius sont riches, et achètent maintenant des copies de flamands qu'ils prennent pour des originaux. De la folie et du secret, il ne reste que ceci. Conrad n'aime pas l'eau. » Ainsi s'achève « Le secret des Hippelius » par Jules Lermina.